bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le cours de l'histoire. École facultative, jeudi et vendredi, selon les dires du Premier ministre. Ah, le jeu des déclarations. Bien, nous allons jouer. Nous allons jouer dans les salles de classe et la cour de récréation parce que longtemps resté à l'écart de l'école, le jeu est devenu une pierre angulaire de l'enseignement primaire. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Marie Pape Carpentier est une pédagogue, une des premières pionnières de l'éducation quand en 1833, la loi Guizot impose à chaque commune d'entretenir une école primaire. Sa vie durant, elle s'est consacrée aux enfants, à la manière de les enrichir. Elle est décédée en 1878, l'année où paraît son dernier ouvrage, une notice sur l'éducation des sens et quelques instruments pédagogiques. Elle y explique que les exercices ayant pour objet la culture des sens ne sont nullement un jeu futile. Et quand il est question d'apprendre les mathématiques et de réfléchir au mètre carré, elle met en place un instrument pédagogique, comme elle dit, qui fait écho aux travaux industriels, ceux du bâtiment, des tapissiers, des couleurs de papier. Elle écrit de cette manière, les élèves en posant les décimètres à terre pour composer le mètre superficiel sont obligés de faire des additions variées, de calculer ce qui manque à une rangée pour atteindre le nombre 10 et par conséquent ce qu'ils doivent y ajouter pour le compléter. Tous ces exercices sont un jeu, mais ce jeu laisse dans l'esprit le meilleur fruit du travail. Tous ces exercices sont un jeu, on pourrait rajouter, et tous ces jeux sont des exercices. Marie Pape Carpentier avait tout compris. Dans le cours de l'histoire, faisons l'appel. Gilles Brougère. Présent. Et Sylvain Vagnon. Présent. Merci beaucoup à vous deux d'être avec nous aujourd'hui pour parler de ce sujet. Joue, grandit, apprend quand la cour de récré devient la salle de classe. Gilles Brougère, vous êtes professeur des universités en sciences de l'éducation à l'université Sorbonne Paris Nord. C'est l'ancienne Paris 13. Vous êtes responsable de cette spécialité sciences du jeu. Et vous avez publié Penser le jeu, les industries culturelles face au jeu. C'est aux éditions Nouveau Monde. Je voudrais tout de suite que nous passion par le avant. Le avant est essentiel pour comprendre comment le jeu entre en classe. Avant l'idée que des enfants puissent jouer, comment était considéré le rapport entre le jeu et l'éducation? Si nous nous trouvons au 17e, encore au 18e, est-ce qu'il est possible de jouer quand on apprend? Alors, il y a plusieurs avant, de même qu'il y a plusieurs après. Hein. Je crois que la rentrée du jeu dans l'école se fait par la récréation. À l'idée qu'à un moment, il faut donner la possibilité aux enfants d'arrêter de travailler, de se détendre. Hein. Et donc, l'entrée du jeu à l'école se fait dans une opposition entre ce qui permet d'apprendre et ce qui permet de se détendre. Hein. Donc, on a une opposition, mais parallèlement, certains auteurs, je pense à Erasme, auteur de la Renaissance, mais qui reprend certains auteurs latins, certains auteurs s'étaient demandé si on ne peut pas profiter de l'enthousiasme, de l'intérêt, de l'engagement des enfants dans le jeu pour le détourner vers des activités plus sérieuses. Et là, on a une stratégie où le jeu est plutôt une ruse. Un moyen d'attirer les enfants, et d'ailleurs Erasme l'écrit nettement, il s'agit de tromper les enfants, de leur faire croire qu'ils jouent, hein. Et c'est sans doute la deuxième entrée du jeu, il ne s'agit pas de faire une chronologie, mais plutôt une typologie, hein. La deuxième entrée du jeu, un moyen d'attirer les enfants, mais en fait il ne s'agit pas de les faire jouer, il s'agit de proposer des exercices qui, pour reprendre Erasme, ont les atours du jeu, mais ce ne sont pas des jeux, d'autant plus qu'à cette époque, le jeu peut avoir mauvaise presse. Quand on parle du jeu, on parle du jeu d'argent, et il faut en protéger les enfants. Hein. Et il y a une façon de considérer que si on fait jouer les enfants, ils pourraient ensuite être attirés par le jeu d'argent, hein, ne faisant pas différence entre les différents types de jeux. Et ce n'est qu'à la fin du XVIIIe siècle qu'on voit apparaître une autre conception où le jeu pourrait être en lui-même éducatif. Sylvain Vagnon, vous êtes professeur à l'Université de Montpellier, spécialiste de l'éducation nouvelle et libertaire, et vous avez, vous aussi, cette réflexion sur l'histoire de l'éducation qui n'est pas une histoire qui se construit par la rupture, mais plutôt par une accumulation. Il n'y a pas un moment qui montre que le jeu entre précisément, vu que chaque penseur de l'éducation lit ses prédécesseurs. Hein. C'est une histoire extrêmement complexe qui évolue sur le temps long et avec plein de ramifications. Oui, tout à fait. Et l'histoire de l'éducation nouvelle, c'est une histoire d'une nébuleuse avec des pédagogues que l'on connaît bien aujourd'hui, que ce soit Maria Montessori, Ovid de Croly ou Célestin Freinet, mais qui ont effectivement se sont appuyés sur un terreau existant. Ce qu'a dit Gilles Bourgère est extrêmement important. Cette notion de comprendre le jeu comme une ruse, c'est-à-dire comme une façon d'aider les enfants, mais aussi avec un objectif prédéfini. Et la force aussi de l'éducation nouvelle, c'est de vouloir faire une révolution copernicienne en essayant de placer l'enfant comme un acteur et de se servir du jeu non plus simplement comme une ruse pédagogique mais aussi comme un levier véritablement pour apprendre et pour apprendre de façon forte en tout cas tout ce que l'on a à apprendre avec une motivation évidemment liée au jeu. Oui, le jeu n'est pas simplement un moment de détente qui va permettre après à l'élève de retourner devant son bureau et puis de travailler de nouveau sur des matières sérieuses. Pourtant, cette idée-là est extrêmement présente, Gilles Brougère. Le jeu, la récréation est longtemps mise à part de l'école. Oui, je ne suis pas sûr que ce soit une mauvaise chose, j'y reviendrai. Le jeu, avant tout, c'est un loisir, c'est une activité de plaisir, et son entrée dans l'école n'est pas sans poser des problèmes. Est-ce que c'est vraiment du jeu qui entre, ou est-ce que c'est un ersatz de jeu, quelque chose qui ressemble au jeu? Et je pense qu'on n'en a pas fini avec cette tension et cette difficulté entre le jeu et l'école, dans la mesure où accepter vraiment que le jeu tel qu'il est pourrait être aussi un outil d'apprentissage est loin d'être évident. Oui, parce que la définition même de jeu est importante. Le jeu, c'est quelque chose qui couvre énormément de choses. Est-ce qu'il est possible de réfléchir à une typologie des jeux, justement ? Sylvain Vagnon, le jeu peut commencer simplement au jeu individuel, jouer aux billes, alors là, d'un seul coup, avec des petits camarades, et ça peut aller jusqu'au sport. C'est complexe, cette notion de jeu. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est une des questions que se posent les pédagogues d'éducation nouvelle, parce que évidemment, ils comprennent très bien la tension qui peut exister en faisant entrer le jeu, qui est effectivement le jeu ludique. Pour ludique, mais ils vont essayer de donner une intention ici pédagogique. Alors évidemment, il peut y avoir des dérives, on tombera sur une sorte d'exercice qui en réalité ne sera qu'un exercice assez classique pour sous forme de jeu. Mais il y a aussi effectivement des jeux de corps, des jeux d'adresse, beaucoup de loto par exemple, qui servent en réalité à comprendre en réalité énormément de connaissances. Et puis il faut quand même dire quelque chose aussi d'important, c'est que ces pédagogues d'éducation nouvelle vont participer à quelque chose d'important, c'est de le faire par les enfants. Donc il y a aussi des jeux créés par les enfants, c'est une tradition importante aussi de rendre très concrets ces jeux en partant de la vie quotidienne des enfants, et évidemment encore une fois pour essayer de créer un intérêt qui ensuite permettra évidemment à l'enfant de pouvoir être à la fois autonome et aussi d'avoir confiance en lui. Joue, grandit, apprend, quand la cour de récré devient la salle de classe. C'est ce qui nous intéresse dans le cours de l'histoire et pour comprendre les jalons de la prise de conscience que le jeu est nécessaire pour apprendre, il faut évoquer le regard porté sur l'enfant. Petit tour au XVIIIe siècle, précisément en 1762, avec Rousseau. L'enfant qui n'a qu'à vouloir pour obtenir se croit le propriétaire de l'univers. Il regarde tous les hommes comme ses esclaves. Et quand enfin l'on est forcé de lui refuser quelque chose, lui, croyant tout possible quand il commande, prend ce refus pour un acte de rébellion. Toutes les raisons qu'on lui donne dans un âge incapable de raisonnement ne sont à son gré que des prétextes. Il voit partout de la mauvaise volonté. Le sentiment d'une injustice prétendue aigrissant son naturel, il prend tout le monde en haine et sans jamais savoir gré de la complaisance, il s'indigne de toute opposition. Un extrait de l'Émile ou de l'éducation de Jean-Jacques Rousseau, lu par Jean-Quentin Châtelain. C'était dans l'émission Une vie, une œuvre en 1997. Texte, l'Émile, donc au XVIIIe siècle, là nous sommes en 1762, est essentiel dans l'histoire portée sur l'enfant. Gilles Brougère, le regard qui fait de l'enfant un être capable de réfléchir, de se construire, permet dès lors que son activité, c'est-à-dire le jeu, soit intéressante en elle-même. Oui, je crois que c'est un moment très important, même s'il n'a pas eu une influence directe, puisque Rousseau fait très peu allusion au jeu ou de façon relativement marginale, mais ce sont des continuateurs de Rousseau, en particulier un auteur qui me semble très important, un auteur allemand qui s'appelle Jean-Paul Richter, mais qui se fait appeler Jean-Paul en hommage à Jean-Jacques, sauf qu'il s'est lui-même appelé Jean-Jacques. Donc il y a une espèce de continuité, y compris graphique. Et donc Jean-Paul va être le premier peut-être à partir de la pensée de Rousseau à évoquer l'idée que le jeu pourrait être en lui-même un facteur de développement et d'apprentissage de l'enfant. Et que finalement, le premier programme pourrait être de laisser l'enfant jouer et que ce faisant, il apprendrait un certain nombre de choses. Ce qui renvoie quand même à une conception relativement datée, hein, assez philosophique et qui ne donne aucune preuve. Et il ne faut jamais oublier que cette relation forte entre jeu et éducation se fait dans ce contexte-là, dans ce contexte romantique qui va donner lieu à des développements chez différents auteurs. Hein. On a des contes d'Hoffmann qui valorisent le jeu après ça. Et également, peut-être un penseur comme Froebel qui crée ce qu'on appelle les jardins d'enfants, Kindergarten en Allemagne, et qui développe peut-être la première pédagogie qui s'appuie essentiellement sur le jeu. Oui, parce que quand vous évoquez Jean-Paul, nous sommes là au tout début du 19e siècle, c'est en 1807 qu'il fait paraître son traité d'éducation, et nous avons effectivement, vous évoquez les contes d'Hoffmann et Casse-Noisette, il y a plein de jeux. Ce 19e siècle, ce premier 19e siècle, celui du romantisme, est très important, parce que l'enfant, dès lors, est considéré différemment et le jeu lui-même est considéré différemment. Je parle en cela de l'ensemble de la société. Dès lors, il peut rentrer dans l'école. Oui, alors je ne sais pas s'il peut rentrer dans l'école, parce que je pense qu'il y a une tension aussi, parce que derrière cette valorisation du jeu, il y a la valorisation d'une éducation naturelle qui se fait peut-être contre l'école et contre ce que représente l'école. Et donc derrière cette valorisation du jeu reste une tension dans l'école. Et quand le jeu va vouloir entrer dans l'école, je pense que cette entrée va être relativement complexe. Parce que loin de faire entrer le jeu pour ce qu'il est, c'est-à-dire une activité à l'initiative de l'enfant, librement développée par lui, en tous les cas en France, parce qu'il faudrait distinguer selon les pays, on va le transformer en exercice. Chez Marie-Pape Carpentier, c'est très net, c'est pas des jeux, ce sont des exercices qui prennent la notion de jeu, et tout se passe comme si on n'avait pas vraiment confiance dans cet enfant, on n'avait pas vraiment confiance dans le jeu. Ce qui manque, peut-être, pour véritablement faire entrer le jeu dans l'école, au moins en France, autre chose qu'un jeu transformé, qu'un jeu éducatif, c'est l'idée qu'on puisse avoir confiance dans l'enfant et sa liberté. Je pense que derrière la question du jeu, il y a une question essentielle, quelle est la place de l'initiative enfantine dans l'école ? Et je pense qu'en France, toujours été réduite, ce qui fait que par rapport à d'autres pays, à d'autres systèmes, y compris au niveau des plus jeunes enfants, avant l'école élémentaire, avant six ans, on ne fait pas tellement confiance à l'enfant et qu'on a une logique où l'enseignant doit garder la main, doit garder la direction, hein, et que ça suppose que si jeu il y a, c'est un jeu dirigé par l'enseignant, c'est un jeu qui a fortement tendance à devenir un exercice, à l'exception effectivement d'un certain nombre de penseurs de l'éducation nouvelle qui ont pu développer leur pensée en relation ou à la suite du romantisme dans cette idée de donner la main à l'enfant, de faire, comme il a été dit, de l'enfant un acteur, à ceci près quand même qu'un certain nombre de ces penseurs de l'éducation nouvelle ne sont pas passés par le jeu pour cela. Hein. Maria Montessori ne développe pas une pédagogie du jeu, mais une pédagogie qui s'appuie sur d'autres formes d'activité. Freinet non plus n'est pas un grand partisan du jeu, mais propose des activités plus centrées sur le travail, mais qui renvoie à cette philosophie de donner une place importante à la liberté et à la décision de l'enfant. Voilà, l'importance de la confiance qu'il faut accorder à l'enfant s'inscrit dans une histoire, et nous l'entendons bien avec tous les noms évoqués, qui est une histoire internationale. Sylvain Vagnon, ces penseurs, pour certains qui sont suiveurs, pour d'autres qui sont plutôt dans l'innovation, avec des essais parfois portés plus loin, parfois qui s'arrêtent rapidement, doivent se lire à l'échelle de l'Europe et même au-delà sans doute, mais nous ne sommes pas du tout dans un cadre national ici. Oui, tout à fait. Tout à l'heure, il y a quand même une base. Hein. C'est Friedrich Froebel qui finalement pense aussi ce qui va être la maternelle. Hein, il faut le dire, avec le jeu omniprésent hein, qui paraît assez logique. La coupure, elle se fait quand même avec le primaire et encore plus évidemment avec le secondaire. Mais on va dire au 19e siècle avec le primaire, où là, on estime que l'école classique entre guillemets va vouloir appuyer sur le sérieux, sur l'effort. Et justement, les pédagogues d'éducation nouvelle, italiens de Montessori, belges avec De Croly ou français avec Freinet, effectivement utilisent le jeu de façon très différente, mais veulent montrer surtout aussi que grâce à la motivation, grâce à la création d'un intérêt, l'enfant va pouvoir faire un effort, va pouvoir apprendre et pas simplement jouer pour jouer. Et c'est là où évidemment la tension, ça a été dit plusieurs fois et c'est vrai, c'est une vraie tension, hein, le côté ludique et le côté intellectuel. Mais leur idée, c'est que l'enfant est aussi doit avoir une éducation intégrale, c'est-à-dire que son corps, et donc il doit manipuler, ensuite son esprit doit entrer en compte, et puis aussi ses émotions. Et c'est vrai que le jeu a ce côté assez magique, il faut le dire, hein, de mettre en avant tout cet ensemble. Et ça, je crois que tous à leur niveau, effectivement, ont tenté de chercher à rendre plus efficace aussi ces apprentissages. Il faut le dire, c'est aussi prendre les besoins de l'enfant. L'enfant a besoin, on a dit tout à l'heure que c'était une nécessité. C'est vrai que le jeu apporte énormément d'un bien être qui permet aussi d'être apte à comprendre certaines choses. Après, évidemment, la différence, c'est que Montessori s'est beaucoup intéressé à des jeux, on va dire, très abstraits, donc on peut discuter si ce sont des jeux, alors que nous en parlons peut-être tout à l'heure, mais De Croly a beaucoup été dans des jeux très concrets, c'est-à-dire même construits par l'enfant lui-même. Et bien justement, nous pouvons en parler maintenant, d'Ovid De Croly, parce que là, nous sommes encore dans cette lecture internationale, hein. Nous ne sommes plus en France, nous sommes en Belgique, et De Croly, en 1929, publie La fonction de globalisation et l'enseignement, mais voilà maintenant plus d'une trentaine d'années qu'il développe sa pensée, et au-delà de sa pensée, il y a même la mise en place d'écoles particulières. Écoutons Ovid De Croly, c'est la voix de Daniel Königsberg. Ceux qui prétendent limiter le travail mental de l'école primaire à l'acquisition des techniques, à l'étude systématique des règles grammaticales et de la théorie arithmétique sous prétexte qu'ils ont subi ce régime sans dommage et sont devenus des spécialistes avertis dans certaines branches, sont des bourreaux inconscients de l'intelligence enfantine et prouvent qu'ils sont absolument ignorants de lois plus importantes que celles de la grammaire et de l'arithmétique et qui, en fait, dominent celles-ci, à savoir celles de la psychologie de l'enfant. Aucun de leurs arguments ne peut prévaloir d'ailleurs contre les faits flagrants qui se constatent chaque jour quand on s'en donne la peine d'observer ce qui se passe à l'école primaire, c'est-à-dire l'insuccès, le fiasco plus ou moins absolu pour plus de 75% de la population scolaire des procédés formels. Daniel Königsberg qui nous lisait un extrait d'Ovid De Croly, donc qui réfléchit à ce qu'est l'enseignement. Et nous entendons dans ce texte, il est question des bourreaux inconscients de l'intelligence enfantine. Mais avec ce texte, nous sommes dans les années 1930. Gilles Brougère, là, nous sommes à l'aboutissement, en fait, d'un très long processus extrêmement lent où il y a la nécessité pour certains de se détacher d'une éducation de celle simplement de bourreaux et donc avec des élèves qui deviennent des victimes. Oui, mais on a affaire à un très gros mouvement qui est marqué par la fin de la Première Guerre mondiale. Et à la fin de cette Première Guerre mondiale, il y a eu véritablement une réflexion sur l'idée « plus jamais ça ». Et est-ce que c'est pas l'éducation qui est la clé d'un changement pour qu'il n'y ait plus de guerre? Et il y a vraiment une dynamique réformiste et de transformation de l'école. C'est à ce moment-là où l'école maternelle française se transforme et est influencée par l'éducation nouvelle, en particulier par Montessori, mais aussi par De Croly. Et ce mouvement peut-être va profondément achopper sur le fait qu'il n'a pas réussi, puisqu'une deuxième guerre va apparaître peu de temps après, qui va peut-être marquer profondément ce mouvement et que sa rénovation peut-être après la deuxième guerre mondiale va partir sur d'autres bases, peut-être en rupture avec une certaine naïveté quant à des caractéristiques supposé naturel de l'enfant, qui permettrait, en s'appuyant sur ce que serait l'enfant en nature, à éviter les effets néfastes de la société ou de la civilisation. Je pense qu'il y a une dimension naturaliste, une dimension de rupture avec le social, qui est marquée par ces mouvements, qui donne justement une force au jeu, parce qu'il serait ce représentant de la force naturelle, de la vie naturelle de l'enfant, en oubliant que le jeu est avant tout, pour les êtres humains, une activité sociale et pas forcément une activité toujours marquée par des caractères naturel et positif. Oui, il y a cette longue évolution de l'institution elle-même, hein, avec la mise en place de ce qu'on appelait les salles d'asile, qui deviennent ensuite ces écoles maternelles qui ne cessent de se transformer. Les écoles en France, la loi Guizot qui impose à chaque commune de mettre en place une école primaire, et puis après l'école publique, laïque et obligatoire à la fin du 19e siècle. C'est dans toute cette histoire que s'inscrivent ces pédagogues. Sylvain Vagnon, vous pouvez nous présenter Ovid de Croly. Comment lui s'inscrit dans cette longue réflexion sur la place du jeu à l'école? Justement, ce qui est intéressant avec Ovid de Croly, qui est donc un pédagogue belge et qui crée sa première école en 1901 pour les enfants porteurs de handicap, on va dire, et en 1907 une école dite pour enfants réguliers, donc qui n'ont pas de handicap. Et ici, il essaye de montrer justement la singularité de la nature enfantine, effectivement, et qui permet en vérité d'utiliser le jeu pour tous les enfants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il place son idée dans l'idée d'initiation à l'activité. C'est le titre, en vérité, de son premier livre sur les jeux, qui s'appelle justement l'initiation à l'activité par les jeux. C'est-à-dire de montrer en quoi le jeu peut être partie prenante des apprentissages, mais peut être un levier essentiel pour les apprentissages et doit être intégré à une pédagogie. Alors, ça a été dit tout à l'heure, justement, fort bien, justement, dans la citation de Croly, c'est que il s'intègre aussi dans une pédagogie des centres d'intérêt, c'est-à-dire qu'ils ne cloisonnent pas les connaissances dans des disciplines scolaires, histoire, français, etc. Et il estime que justement le jeu est un moyen assez fort, hein, en tout cas ici, pour insuffler justement ces idées de centre d'intérêt. Et là, je crois d'ailleurs qu'il y a une coupure, hein. On a dit justement dans les années 30, effectivement, c'est un essor des pédagogies d'éducation nouvelle, mais je crois qu'elles n'ont pas intégré fondamentalement l'enseignement primaire, contrairement à ce qu'on pourrait dire, hein. Certains mots ont été utilisés, on a utilisé le jeu un peu en marge, mais le jeu est quand même resté en marge de l'école le primaire pendant extrêmement longtemps, et cette vocation, en tout cas, de penser le jeu intégré à une pédagogie est quelque chose d'assez fondamental que de Croly a effectivement fortement appuyé et a influencé finalement plus des systèmes allemands et suisses, en tout cas, que français. Oui, étonnamment, hein, d'ailleurs, et toujours avec cette grande discussion internationale autour de la pédagogie, du jeu, de l'entrée du jeu dans la cour de récréation et dans la salle de classe. Dites-nous, Gilles Brougère, il y a bien ce cheminement dans l'histoire du jeu et de l'éducation. La cour de récré en premier, et puis tout doucement à l'intérieur de la salle de classe. Oui, un cheminement, mais je le verrais pas aussi linéaire, hein. Moi, il me semble qu'il y a eu des tentative de faire entrer à plusieurs reprises le jeu, que ce soit dans le préscolaire au sens des lieux qui concernent les enfants de moins de 6 ans, voire plus rarement dans l'école élémentaire, mais il me semble qu'on a plutôt affaire à une histoire qui est faite de va-et-vient. Si on regarde l'école maternelle, c'est très clair. L'école maternelle se construit pour un modèle qui n'a rien à voir avec le jeu dans la salle d'asile. Ensuite, il y a une volonté de faire entrer les jeux, mais cette volonté achoppe à la fin du 19e siècle sur le fait que le modèle primaire va l'emporter. Avant, au début des années 30, ou tout au moins à la fin de la Première Guerre mondiale, l'influence de Montessori et de Croly, qui fut très forte à l'école maternelle, va redonner du jeu et va donner une place au jeu à l'école maternelle. Mais si on... Et là, le jeu s'arrête. problème de communication avec Gilles Brougère. Mais c'est pas grave, parce que dans le cours de l'histoire, le jeu continue. Et Gilles Brougère nous expliquait que l'histoire de l'éducation est en fait un va-et-vient. Eh bien, le va-et-vient, c'est parfait, parce que c'est un peu la marelle que nous chante Nazaré Pereira. Jogo da amarelinha, na linha não vai pisar. Pé dentro, pé fora, esse pé não vai errar. Jogo da amarelinha é pra menina pular. Cuidado pra não errar, que a vida é curta, menina, e nada se vai levar. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Amarelinha e a vida quer durar. Tem um diamante no umbigo, cuidado pode quebrar. Menina pequenininha, tonta de tanto chorar. Teu choro é uma lagoa e ela que eu vou me banhar. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien. Jogo da amarelinha é pra menina pular. Cuidado pra não errar, que a vida é curta, menina, e nada se vai levar. Nazaré Pereira qui chante la marelle, c'était en 1980, mais ça n'a pas vieilli. Dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Elig, avec aujourd'hui à la technique Jean-Frédérix. Le cours de l'histoire qui joue, qui grandit, qui apprend, quand la cour de récré devient la salle de classe. Nous intéressons aujourd'hui au moment où le jeu entre dans la cour de récré, dans la salle de classe, avec cette histoire complexe. Et Gilles Brougère, vous nous l'expliquiez, ce n'est pas une histoire linéaire, bien sûr, avec toujours ce danger, quand on fait de l'histoire, de l'effet loupe, c'est-à-dire de regarder les pédagogues, les écrits de ceux qui sont en avance, sans voir la réalité de ce qui se passe. Si nous réfléchissons au 19e siècle, où nous avons vraiment une avancée de réflexion, dans la réalité, dans ce qui se passe dans les salles d'asile, puis dans les écoles maternelles, est-ce que cela est vraiment appliqué ? Non, je pense que l'école maternelle française a eu des tentatives d'inscrire quelques éléments ludiques, mais contrairement à d'autres systèmes, comme le système allemand, le jardin d'enfants par exemple, allemand, la France n'a jamais mis le jeu au centre. Le jeu a trouvé une place dans les marges, c'est-à-dire des moments où on accordait à l'enfant de jouer, mais surtout à travers des modifications, des transformations en jeu exercice, en jeu éducatif. Et récemment, dans les dernières décennies, on peut dire que le système français a choisi un modèle très scolaire, c'est-à-dire que l'éloignement du jeu s'est fait encore plus important qu'il n'a été au milieu du 20e siècle, par exemple. Sylvain Vagnon, je vous pose la même question à propos de Jean-Ovide de Croly. De Croly, donc, lui est un Belge qui a mis en place un système ou des propositions vraiment intéressantes, pertinentes, en avance. A-t-il été écouté ? Bah écoutez, il a été écouté plus qu'en France, on va dire ça comme ça, parce que le système belge utilise énormément le jeu, peut-être pas assez, mais je crois que ce qui est aussi intéressant, c'est de voir qu'il y a énormément de notions derrière le jeu. On sait bien qu'il y a une compétition naturelle dans le jeu, on a envie de gagner, un enfant a envie de gagner. Or, les pédagogues vont jouer justement sur l'intérêt de la coopération, de l'entraide, pour jouer. Et c'est vrai que c'est là aussi où on a des choix de jeu, à chaque moment en été, des apprentissages, qui peut permettre... ici de développer des activités ludiques mais aussi apprenantes. Alors est-ce que ça s'est généralisé? Non, mais il est vrai que ça a été très bien dit, c'est à la marge et la marge c'est toujours important hein, pour ensuite faire avancer un système. Il est important aussi de noter que l'utilisation du jeu, ça veut dire une transformation de ce qu'on appelle la forme scolaire hein, c'est-à-dire là on parle de la récréation à la salle de classe, mais c'est la salle de classe qui est transformée, parce que quand on joue, on doit être dans des groupes, de travail de groupe, et ça c'est quelque chose d'important aussi, et aussi de voir une relation différente avec l'enseignant. Et donc tout ça, ça transforme en vérité le système en profondeur, et le système n'est pas toujours prêt à ces changements fondamentaux. Voilà, parce que le système, lui, a une volonté, c'est de former des futurs citoyens, oui, ou en tout cas... être humain capable de s'insérer dans la société. Et dès lors, certaines propositions font un peu peur, sans doute. Nous allons faire un tour en Catalogne pour rencontrer un autre pédagogue qui s'appelle Francisco Ferrer. Et en 1901, il fonde à Barcelone une école moderne. Les enfants combinent et exécutent leur jeu avec un intérêt et une énergie que seule la fatigue peut interrompre. Ils travaillent pour imiter tout ce que font les grands. Ils construisent des maisons, font des gâteaux en terre cuite, vont en ville, jouent à l'école, organisent des bals, font le médecin, habillent des poupées, lavent le linge, font des numéros de cirque, vendent des fruits et des boissons, jardinent, travaillent dans des mines de charbon, écrivent des lettres, se moquent, se disputent, se battent, etc. L'ardeur et la véhémence avec lesquelles ils le font montrent à quel point tout cela est réel pour eux, et révèle en plus que les instincts des enfants ne diffèrent pas des instincts de l'âge adulte. Le jeu spontané que l'enfant préfère prédit son occupation ou ses dispositions naturelles. L'enfant joue à être homme, et lorsqu'il arrive à l'âge adulte, il fait sérieusement ce qui le divertissait quand il était enfant. Effectivement, nous sommes tous restés un peu des enfants, même Daniel Königsberg qui nous lisait ce texte de Francisco Ferrer, donc pédagogue catalan, début du XXe siècle, nous sommes en 1901. D'ailleurs, c'est le moment hein, où celui dont nous avons beaucoup parlé, Jean-Ovid de Croly, lui aussi commence à mettre en place son école. Francisco Ferrer est un anarchiste. Il y a aussi une question politique hein, qui s'inscrit dans notre histoire, celle qui nous intéresse aujourd'hui, celle du jeu à l'école. Sylvain Vagnon, il y a un peu de politique. Ah, mais il y a beaucoup de politique et l'exemple de Francisco Ferrer qui s'appuie sur les théories de Paul Robin, un grand pédagogue du 19e siècle, qui a aussi placé le jeu fondamentalement, mais aussi dans une logique dans ce qui s'appelle l'éducation intégrale et qui permettra justement à l'individu, c'est-à-dire à cet enfant, de devenir un citoyen, certes, mais deviendra aussi un militant, deviendra aussi un être de réflexion, et le jeu peut le permettre. Et donc c'est vrai que les pédagogues anarchistes, entre guillemets, enfin on va dire libertaires, ou Sébastien Faure aussi, vont développer aussi cette idée dans une optique, évidemment, d'émancipation de l'individu et qui leur permettre, en tout cas, être un levier important pour permettre aussi une transformation de la société. Et certains réussissent mieux que d'autres à imposer leurs idées. Alors bien sûr, que ce soit de Croly, nous avons quelqu'un qui aujourd'hui, d'ailleurs plein d'écoles, s'appelle de Croly. Et puis nous avons un nom qui résonne immédiatement, c'est Montessori, Gilles Brugère. Là aussi, Montessori, est-on avec un cas particulier qui arrive à rayonner, ou avons-nous quelqu'un qui met en place une vraie réflexion qui va influencer l'ensemble de la vision que l'on peut avoir de la place du jeu dans l'éducation? Alors, il faut être très, très, très conscient que Montessori a écrit énormément de textes contre le jeu. Et pour elle, ce qu'elle propose et qu'on peut définir comme des jeux, on tente de matériel de jeu, sont pas des jeux. Pour Montessori, c'est un travail et l'enfant se trouve en relation avec du matériel qui lui permet de travailler au sens où il construit, où l'enfant construit ses compétences progressivement avec du matériel selon une liberté. Alors c'est toute la complexité de Montessori est là, parce qu'elle retient du jeu sans doute le fait de donner une très grande liberté à l'enfant, de lui donner l'initiative de l'activité, mais elle s'oppose au jeu en tant que pour elle le jeu serait une activité qui ne se ferait que quand on n'aura rien d'autre à faire et que l'enfant doit travailler à développer ses compétences. Moyennant quoi, je pense qu'elle a proposé un dispositif qui a une véritable force, un véritable intérêt, mais qui a été porté aussi par le fait qu'elle a été accompagnée, que ce dispositif, que cette pensée a été accompagnée par un matériel, et que ça facilite le fait d'appliquer une pédagogie que de disposer d'un matériel qui va le rendre qui va rendre possible cette réforme pédagogique. Donc, il me semble que d'où la fixation sur ce matériel qu'on considère trop vite comme un jeu. Et s'il y a quelques propos de Montessori où parfois elle emploie le terme jeu, globalement pour elle, c'est pas du jeu. Il y a les traités de pédagogie, il y a tous ces objets, ces instruments, tout ce qui peut servir à faire du jeu dans la salle de classe. Et puis, il y a la manière de considérer l'enfant. La jardinière d'enfants est une jeune fille qui a choisi de se consacrer aux tout-petits, de les accueillir, de leur ouvrir toutes grandes les portes du beau et du bien. Tâche exaltante. Que de patience et d'amour il faut témoigner à ces petits êtres pour remplacer leur maman pendant quelques heures, essayer de leur apprendre à créer quelque chose avec leurs doigts. Car il n'est pas question ici d'alphabet ou de chiffres, ce sera pour plus tard. L'essentiel est d'apprendre à devenir un homme ou une femme sociable et équilibrée, les premières années d'un enfant étant déterminantes pour son développement psychique. Cette classe qu'ils aiment tant, ils l'ont patiemment et fidèlement reconstituée. Abstraction faite de la matière, ces mobiles semblent inspirés par l'illustre Calderon et ils reflètent tous l'amour que les enfants portent aux animaux. Le désir de retrouver ce joli tourterelle, ou Bobby, le gentil cochon d'Inde, incitera les petits à reprendre gaiement le chemin du jardin. Et admirer ce qu'on peut obtenir avec de la patience. Former de très sérieuses ménagères de 2 ou 3 ans, mais oui, il n'est jamais trop tôt pour commencer une parfaite éducation. Les jardinières d'enfants, c'est dans le journal télévisé de Midi Pyrénées en juin 1964. Et là aussi, la question du jeu à l'école se pose pour le jeu dans l'ensemble de la société et même sur le regard porté sur l'enfant. Une question d'œuf et de poule, qui est le premier? Comment s'est construit en fait le jeu à l'école? Est-ce que parce que l'on regarde les enfants différemment que le jeu peut entrer plus facilement à l'école, ou est-ce que parce que les procédés d'éducation ont changé que peu à peu le jeu est admis dans la société? Gilles Brougère. Je pense que c'est un mouvement double. Effectivement, on a une transformation du regard qu'on a sur l'enfant, ce qui rend possible de considérer que certaines activités de l'enfant peuvent avoir un effet éducatif, et que parallèlement, on modifie les procédés que l'on utilise pour l'enseignement de façon à pouvoir entrer quelque chose qui s'appelle jeu. Mais il faut être très attentif, parce que le grand problème, c'est que derrière le mot jeu, il y a une diversité d'activités possibles. Ça va d'un jeu très libre, très spontanément organisé par l'enfant, à des activités très cadrées, avec des règles précises. Et le problème, c'est qu'on utilise le même terme pour désigner des activités aussi différentes, ce qui fait que dire qu'il y a du jeu à l'école, ça ne suffit pas pour comprendre ce qu'il y a, quel type de jeu, comment est-il organisé, comment est-il vécu par les enfants. Et là, on a une très grande variété. Eh bien justement, Jean-Vide de Crolly avait réfléchi à cette typologie des jeux de manière très précise, parce que tout est jeu, mais tout n'a pas la même utilité. Sylvain Magnon. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est pour poursuivre, ce qui est paradoxal, c'est que notre société aujourd'hui est une société du jeu. Il y a le jeu est présent et omniprésent, et pas simplement pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Et puis on se rend compte que, on peut d'ailleurs s'en inquiéter un peu, c'est que depuis quelques années, l'école maternelle, qui était le lieu propice justement, et finalement ce petit reportage un peu ancien, mais le précise bien, sur les jardins d'enfants où l'enfant doit jouer, eh bien on s'aperçoit que depuis quelques années, l'école maternelle semble être une préparation un peu au primaire, et qu'on oublie un petit peu cette vocation fondamentale et j'allais dire ce besoin vraiment humain du jeu chez l'enfant, et qui permet de se structurer. Et c'est vrai que ce qu'a dit Gilles Bruguière est vraiment aussi extrêmement important et fondamental. C'est vrai qu'on doit définir toujours ce jeu, on doit être vigilant, et quand on voit le matériel Montessori par exemple, c'est vrai qu'on peut douter même que ce soit une définition d'un jeu. En plus, c'est un matériel relativement coûteux, et donc on est vraiment aujourd'hui dans une tension, même si je trouve qu'il y a un repli, c'est-à-dire que on a l'air de penser que le jeu est présent, alors que le jeu en tant que tel, c'est-à-dire ce plaisir, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a cette notion de plaisir aussi qui peut entrer dans l'école, semble encore fortement à la marge. Oui, parce que nous comprenons bien, depuis que nous discutons sur la place du jeu dans l'éducation, que ce jeu reflète en fait les attentes de la société, et que après la Première Guerre mondiale, il n'y a pas la même conception de l'éducation, et puis que au 19e siècle, on regarde l'enfant différemment, et puis que dans les années 60, ça a changé. Alors, quand nous entendons qu'aujourd'hui le jeu a moins de place à l'école, qu'est-ce que cela signifie de notre société, Gilles Brugère ? Ça signifie peut-être qu'on a, ou tout au moins en France, voulu donner énormément d'importance à la dimension scolaire de l'apprentissage. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une focalisation en France sur l'idée qu'apprendre, c'est passer par le cadre scolaire. Bien sûr que c'est ça aussi, mais c'est pas simplement ça. Et peut-être que le jeu conduit avant tout à avoir une autre vision de l'apprentissage, en montrant qu'on apprend dans une très grande diversité de situations. Le jeu en est une, mais peut-être que derrière la volonté de faire une place au jeu, c'est la volonté de faire une place à d'autres modalités pédagogiques que des modalités qui sont centrées sur un modèle scolaire strict et précis. Et c'est peut-être ça qui avait porté l'éducation nouvelle, c'est-à-dire au-delà du jeu, d'essayer de montrer une diversité de dispositifs, qu'il n'y a pas que la forme scolaire pour apprendre, même si dans certains cas, il est absolument indispensable de passer par la forme scolaire. La forme scolaire est indispensable, la cour de récréation est indispensable, et bien notamment, là, maintenant, dans le cours de l'histoire, il est peut-être un peu temps d'aller nous aérer un petit tour dans la cour de récré. Ce sont les enfants les moins bien logés qui sont les premiers rentrés à l'école à 1h15. Pour eux, la cour de récréation est un monde privilégié où l'on peut enfin s'ébattre à son aise. Là, on a de la place pour jouer et pour se détendre. J'aime beaucoup cette heure-là. Dès que la salle à manger est balayée chez nous, je descends dans la cour pour jouer au volley-ball avec mes grands. C'est le seul moment de la journée où professeurs et élèves s'affrontent sur un pied d'égalité. 1h30. Le silence revient dans l'école. Pour les petits de la maternelle, c'est la séance laborieuse de lavage des mains et de cabinet. Dans la cour, chaque file d'élèves se met en branle religieusement. C'est une sorte de rite immuable. Et les classes reprennent. Et les classes reprennent. C'est la récréation d'une famille d'instituteurs qui était observée dans l'émission À la découverte des Français en 1958. L'instituteur, personnage essentiel également, avec sa liberté. Nous évoquons les pédagogues, nous évoquons l'institution, avec des demandes, on parle de programmes, d'orientation. Mais il y a aussi la liberté de l'enseignement, et elle est extrêmement difficile à mesurer. Sylvain Vagnon, comment peut-on ressentir les choix que peuvent faire les instituteurs ? Ils sont très libres, il y a des écoles Montessori par exemple, il y a des écoles qui affirment vraiment quel type d'éducation ils suivent, mais pour d'autres c'est beaucoup plus simple, et dès lors c'est dur de mesurer la place du jeu. Oui, c'est très complexe parce que, évidemment, j'allais dire que c'est un petit peu aussi, si on prend d'autres éléments comme un manuel scolaire, comment un enseignant utilise un manuel scolaire est toujours assez complexe à repérer. Là, sur le jeu, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a des grandes différences. Peut-être ce qui est un point d'accroche, c'est la volonté de certains enseignants d'appuyer sur ce qu'on appelle des apprentissages informels. C'est-à-dire le fait même, grâce au jeu, de regarder, ils se mettent en état d'observation d'un enfant, voir comment il se comporte avec les autres, avec lui-même, dans un jeu. Donc oui, il y a une possibilité, et ça c'est quantifiable et c'est vérifiable, de prendre en compte aussi, pas simplement des apprentissages scolaires formels, mais on va dire aussi des apprentissages informels qui sont fondamentaux hein, pour la construction d'un individu et d'un enfant et d'un futur adulte, c'est-à-dire de voir comment il se comporte avec les autres, comment il est à l'écoute aussi hein, de ce qui se passe, il a la patience, l'empathie sont des notions qui sont dans les programmes, hein, évidemment, de l'éducation nationale. Et donc, on voit bien que le jeu aurait sa part hein, dans la liberté pédagogique, en tout cas aujourd'hui. Gilles Brugère, vous êtes l'auteur de Penser le jeu, les industries culturelles face au jeu. C'était édité aux éditions Nouveau Monde. Nous pouvons aussi quitter la cour de récré et quitter la salle de classe pour réfléchir au domicile, car le jeu est devenu pédagogique partout, et nous le voyons bien sur les publicités dès qu'il s'agit de vendre des jeux, l'aspect pédagogique est mis en avant. Alors effectivement, c'est une dimension plutôt pour séduire les parents hein, dans l'achat des jeux, mais je pense que ce n'est pas la réalité des choses. Je pense que le jeu, pour la plupart des gens dans leur activité, qu'il s'agisse d'enfants ou d'adultes, est avant tout un loisir. Hein. Et le développement du jeu vidéo montre le développement du loisir. Hein. Les ventes de jeux à finalité de loisir sont bien supérieures aux ventes de jeux à finalité éducative hein, qui passaient le premier âge hein, où les enfants n'ont peut-être pas tout à fait le choix de choisir, hein, la liberté de choisir leur jeu. Ils vont, dès qu'ils auront cette liberté, préférer des jeux qui sont marqués par le loisir. Donc je ne suis pas sûr que cette dimension éducative soit aussi importante que ça, si ce n'est quand il s'agit du domaine scolaire où on va essayer d'investir des jeux d'une dimension éducative incontournable. Et puis dès qu'il est question de jeux, ce qui est essentiel aussi, c'est qui aide à jouer. Alors nous parlons des instituteurs, nous parlons des pédagogues, ça peut être les parents. Sylvain Vagnon, il y a ça aussi, un objet, un jeu ne sert à rien dans son utilité pédagogique si l'enfant n'est pas guidé, et dès lors un bout de ficelle, une boîte de camembert, à n'importe quoi peut devenir un jeu éducatif s'il y a quelqu'un qui guide l'enfant. Tout à fait. Il y a une notion de dialogue, et peut-être que justement ce lien avec l'enseignant, enseignant présent hein, justement, et c'est assez fondamental quand on prend le jeu dans partie prenante d'un apprentissage, parce qu'il y a un objectif hein, quand même pédagogique par l'enseignant, mais c'est aussi un dialogue complètement différent. Et c'est cette relation pédagogique différente qui se développe par le jeu et est un levier véritablement pour de nouveaux apprentissages. Je reviens sur la notion de plaisir, parce que c'est aussi ça quand même. Un enfant, on sait qu'il a plaisir aussi à jouer, et donc guidé par un enseignant vers des intentions d'apprentissage, bah, le jeu a vraiment plus que sa place. Et cette notion de dialogue se retrouve aussi en famille. Hein. Il faut bien voir que justement, le jeu a cette force peut-être justement aussi d'être présent dans la société, d'être présent en famille et d'être présent à l'école. Et l'école, à mon avis, aurait intérêt justement à profiter hein, justement de cette notion importante d'un enfant qui voit le jeu chez lui de façon très ludique, et puis qui veut le voir à l'école de façon beaucoup plus pédagogique. Et je suis ravi en tout cas que cette émission se termine avec ce mot de plaisir, car l'on n'apprend jamais autant que quand l'apprentissage est basé sur du plaisir. Merci beaucoup Gilles Brugère, et merci à vous Sylvain Vagnon de nous avoir parlé du jeu à l'école. Il est temps dans le cours de l'histoire de rejoindre Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors ce matin dans le journal de l'histoire, mais vous allez au charbon, oui, la mort annoncée du charbon. Il est temps de se débarrasser du charbon. C'est le titre d'un article paru dans The Economist, un vœu qui appelle à sortir d'une économie fondée sur les énergies fossiles. Si l'utilisation du charbon de bois pour le chauffage domestique est ancienne, un nouvel enthousiasme fait du charbon de terre une promotion inédite au cours du 19e siècle industriel et devient le symbole du progrès, comme le rappelle François Jarige, dans l'histoire du monde au 19e siècle. Lors de la première exposition universelle de 1851 à Londres, un gigantesque bloc de charbon de 24 tonnes est exposé à l'entrée du Crystal Palace, à côté d'une statue géante de Richard Cœur de Lion. Mais cette nouvelle dépendance au charbon inquiète déjà aussi. Il est facile d'accès et abondant, mais à quel point ? Le carburant de la modernité alimente les innovations phares. Le train, la navigation à vapeur, l'industrie, la chimie, l'éclairage. Les États-Unis et l'Europe se hérissent de hauts fourneaux dans les régions entières qui s'y consacrent, construisant une nouvelle identité territoriale et la croissance du peuple de la mine qui fréquente chaque jour les sous-sols pour en extraire le charbon. And you keep on digging till you get down there where it's darker than your darkest fears. Mais alors que les bassins miniers deviennent les éléments incontournables des paysages d'Occident, aujourd'hui c'est en Asie que l'ère du charbon bat son plein. L'Inde et la Chine, comme l'Europe auparavant, en sont d'importants producteurs et consommateurs. Une évolution asymétrique, aujourd'hui contestée à l'heure des responsabilités face au dérèglement climatique. Si les discussions vont bon train pour sortir de cette dépendance au charbon à l'échelle mondiale, son abandon progressif, on le sait, est synonyme d'un traumatisme de grande ampleur lorsque les mineurs se retrouvent brutalement sans emploi. La fin des gueules noires hante toujours l'histoire de France, et si les corons sont devenus les objets d'un patrimoine à succès, le risque de voir un tel drame social se reproduire à l'échelle de la population de la Chine et de l'Inde ne peut être évacué au risque de tensions politiques dont le pays de Galles, le nord de la France ou encore la Virginie occidentale gardent un souvenir cuisant. Well, the devil put the coal on the ground. Devil put the coal on the ground. Si l'ère du charbon pourrait toucher à sa fin dans les pays qui l'exploitent encore massivement, une autre fin reste à inventer pour éviter que l'histoire ne se répète, mais cette fois-ci à l'échelle de nations dont les populations se comptent en milliards. En milliards, merci beaucoup Anaïs Ki. On retrouve le journal de l'histoire sur l'application Radio France et sur le site internet franceculture.fr. Toute la semaine dans le cours de l'histoire, jouer en société, mais d'où viennent les règles du jeu? Nous avons joué à la loterie, mais pas n'importe lequel, les loteries royales, pas n'importe lesquelles, les jeux du roi et du hasard, la stratégie sur un plateau, aux origines du jeu de société dans la Grèce antique, dans l'Égypte antique. Demain, n'oublie pas, mon petit soulier, une histoire du cadeau de Noël. Sont des émissions à écouter et à podcaster en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr et sur la application Radio France, le cours de l'histoire, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Viudès, Odile Joëssel, Valentine Lovrens et Maïwenn Guizhou. Soyez prêts, demain, vous allez accrocher vos petits souliers près de la cheminée. Le cadeau va arriver dès demain au pied du sapin.